Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Jeanne d'Arc, héroïne française. Le bourreau tira le feu en arrière pour que le peuple ne doutât point que Jeanne avait expié. Le peuple la vit donc toute nue, avec tous les secrets d'une femme. Et quand ils l'eurent vue assez à leur gré, toute morte, liée au poteau, le bourreau remit le feu grand, cette pauvre Charente. L'historien Henri Guillemin, racontant l'exécution de Jeanne d'Arc sur le bûcher de Rouen le 30 mai 1431, personnage incontournable de l'histoire de France, la figure de Jeanne d'Arc est si intimement liée à l'identité française qu'on continue aujourd'hui encore de l'associer au destin et à l'héritage tout entier du peuple français. Car Jeanne d'Arc, comme nos autres grandes figures, comme notre hymne national, comme notre drapeau, ce sont nos héritages, notre histoire commune, ce qui nous a fait et nous tient ensemble. J'ai souvent imaginé, sans doute comme vous, les scènes que racontaient nos livres d'histoire. Jeanne devant le roi, devant les grands capitaines, au milieu de son armée. Jeanne meurtrie, Jeanne blessée, mais n'abandonnant rien. La vie de Jeanne, c'est avant tout la puissance d'un destin qui démontre que l'ordre des choses ne tient pas si cet ordre est injuste. Le président français Emmanuel Macron, alors qu'il était toujours ministre de l'économie sous le gouvernement de François Hollande, le 8 mai 2016, ce discours d'Emmanuel Macron avait fait grand bruit à l'époque. On lui avait, entre autres, reproché de vouloir récupérer la figure de Jeanne d'Arc à des fins politiques, à des fins politiciennes, disait-on même à l'époque. Pour nous rappeler l'histoire de Jeanne d'Arc, pour nous situer également la place importante qu'elle occupe dans l'imaginaire français, mon invité Michel Hébert, qui est professeur d'histoire émérite à l'Université du Québec à Montréal. Michel Hébert, bonjour. Bonjour. Commençons un petit peu pour nous inscrire dans cet extrait qu'on vient d'entendre du président Macron sur ce qu'elle représente aujourd'hui, Jeanne d'Arc, en France. Mais votre extrait contient déjà presque la réponse, parce que la réponse, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté fondamentale d'une figure dont on ignore, on sait beaucoup de choses, mais on ignore presque tout sur la réalité de l'expérience qu'elle a pu vivre et qu'elle a pu faire vivre aux Français à l'époque, puisqu'aujourd'hui, on la récupère souvent pour la République, on la récupère encore plus souvent pour la droite, voire l'extrême droite. Pensez aux slogans électoraux de Marine Le Pen qu'on évoquait, aux affiches électorales, où elle présente des statues de Jeanne d'Arc. Donc, il y a un malaise, puis peut-être un des éléments les plus importants de ce malaise, c'est l'association très forte de Jeanne d'Arc. Elle est associée à beaucoup de choses, mais très fortement à une identité française, et une identité française qui est fondée sur une espèce de providentialisme de la nation à travers sa lutte contre l'étranger, et notamment contre l'anglais, ouais. Puisque c'est pendant la guerre de Cent Ans, et c'est contre l'Angleterre qu'elle s'est affirmée, il ne faut pas le cacher. Et donc, quand elle a été récupérée, ça a été énormément contre les Anglais, puis ça a été par la suite, si on a le temps, on en reparlera. Ça a été contre les Allemands, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale. Figure de résistance. Il y a quelque chose de très profondément français chez elle, d'identitaire même parfois, parce qu'effectivement, elle est récupérée de toutes les façons, mais la figure de résistance, c'est ça, la combative, la France qui se débat. Résistance identitaire, puis résistance identitaire très, très proche de l'Église aussi. Oui. De l'Église tout court au Moyen-Âge, et puis au 20e siècle, de l'Église catholique. Au 19e siècle, de l'Église ultramontaine, puis au 20e siècle, de l'Église catholique tout court. Oui. Donc, on s'en va aussi, qu'on le veuille ou non. Il y a un catholicisme de gauche, mais on s'en va généralement beaucoup vers des positions qui sont plus fortement marquées à droite, oui. Même si Jeanne d'Arc appartient quand même essentiellement à tout l'héritage de l'histoire française. Alors parlons, avant de parler de son destin propre à elle, Jeanne d'Arc, un mot quand même sur cette France dans laquelle elle grandira, dans quel contexte elle va évoluer, Jeanne d'Arc. À quoi ressemble cette France de Jeanne d'Arc, Michel Hébert? Ben, Jeanne d'Arc est née en 1412, on le sait par les procès dont on va parler tout à l'heure. On est en pleine guerre de Cent Ans, et on est à une époque de la guerre de Cent Ans aussi, où la France est défaite. La France est vraiment brisée par un certain nombre de défaites militaires. Elle est brisée par le fait que son roi, qui a été Charles VI jusqu'à sa mort en 1422, était un roi fou, qui n'était pas complètement dément, mais qui avait des accès de folie, qui avait du mal à gouverner. À cause de ça et à cause de la guerre, on est en situation de guerre civile à l'intérieur de la France. Il y a des gens qui sont pour le roi, mais il y a des gens qui sont pour les Anglais aussi, dans la France elle-même. Il y a des troupes armées et de Français et d'Anglais et de mercenaires aussi qui combattent pour eux-mêmes, qui dévastent le pays. Donc il y a des pillages, il y a du rançonnement de voyageurs sur les routes. Et puis on est dans une France aussi, souvenez-vous, on en a parlé à votre émission déjà, on est trois quarts de siècle après la peste noire de 1348, mais les effets de la peste ne sont pas terminés encore. Il y a eu des retours de peste, il y a eu des épidémies. On peut dire qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, la population de la France doit être la moitié de ce qu'elle était trois quarts de siècle avant. Et donc là, ça veut dire quand même des bouleversements culturels, familiaux, démographiques qui sont absolument fondamentaux. Une France divisée, une France dominée, je pense qu'on peut dire essentiellement par le roi des Anglais. La France est sous domination britannique à ce moment-là, en gros. C'est un peu plus compliqué, mais division territoriale, mais c'est une France gouvernée par les Anglais. C'est là où arrive Jeanne d'Arc. Qui est-elle? D'où vient-elle? À quel milieu appartient-elle? Alors, elle est née en Lorraine, dans un village qui s'appelle Don Rémy, dans une famille paysanne, on dira une famille de laboureurs. Alors, ça serait trop facile d'imaginer que c'est une pauvresse ou une personne absolument misérable. C'est une famille de paysans probablement plutôt prospère. Quand on parle de laboureurs à l'époque, on parle de gens qui ont des propriétés, qui ont des terres, qui ont un attelage de labour. Et donc, ils ont de quoi vivre. Ils ont probablement un peu d'éducation. On sait que son père est actif dans les affaires du village, la gestion de la paroisse et tout. Donc, c'est pas des n'importe qui, mais ce sont des villageois du fond de la France. Et puis, elle a des frères, elle a des sœurs. Enfin, à travers ses procès, on sait un certain nombre de choses d'elle. De son éducation à elle, de jeune fille, on ne sait pas grand-chose, autrement qu'elle n'était pas scolarisée, mais c'est tout à fait normal pour l'époque. Et puis, il y aura ses visions. Tout à coup, Jeanne d'Arc voit confier un destin. Voilà. Alors, tout ça commence précisément autour de 1423-1424. Et c'est pas complètement par hasard. Le roi Charles VI était mort en 1422. Et son fils, qu'on appelle le dauphin en France, destiné à lui succéder, n'était pas couronné roi, puisque justement les Anglais occupaient Paris, occupaient l'essentiel du territoire de la moitié nord de la France. Le dauphin ne pouvait pas se faire couronner. Il luttait pour reprendre un certain nombre de territoires, pour faire affirmer son autorité. Et donc, tous les moyens pouvaient lui paraître bons pour trouver des secours. Mmh. Alors, Jeanne, les voix qu'elle entend, on ne sait pas trop. On peut toujours dire, est-ce que c'était des vraies voix? Est-ce que c'était de la frime? Pour tous les gens qui ont des voix ou qui entendent comme ça des messages venus d'en haut, venus du ciel, si on est un peu laïque ou pas trop croyant, on se demande bien de quoi il s'agit là. C'est pas... Mais c'était authentique, c'était sincère. Elle s'en est confiée au curé de son village, elle s'en est confiée à son entourage. Et finalement, elle a réussi à convaincre un certain nombre de capitaines, d'hommes d'armes de la région de la conduire pour une sorte de vérification de l'authenticité de ses voix, de son message un peu prophétique, de la conduire auprès du dauphin, qui était à l'époque à Chinon, sur la Loire. L'expédition part, elle se rend à Chinon en habit d'homme. C'est remarquable qu'elle soit en habit d'homme. Il faudra qu'on y revienne, parce que c'est fondamental plus tard. Mais déjà, pour voyager sur les routes avec un groupe armé pendant le contexte de la guerre, qu'elle ait été à ce moment-là habillée en homme, mais pas particulièrement surprenant ou pas particulièrement étonnant. Et elle réussit donc à rencontrer le dauphin. Comment ça se passe? Alors, l'entrevue auprès du dauphin, en plusieurs, il y a deux entrevues consécutives, on peut passer sur les détails. On dit qu'elle montre un signe au dauphin pour se faire reconnaître, pour faire admettre l'authenticité de sa mission auprès du dauphin. On a beaucoup discuté sur la nature de ce signe. La réalité, c'est que à l'issue de cette entrevue, le dauphin se rend compte qu'il y a une possibilité d'action qui est très réelle, ne serait-ce que par l'espèce d'enthousiasme, le charisme ou l'enthousiasme qu'elle suscite. Et donc, il lui fait confiance pour guider une expédition vers Orléans. Ouais. Bon. Parce que c'est ça, au fond, le grand destin, ce qu'on lui dit dans ses voix qu'elle entend, c'est qu'il faut qu'elle aide ce dauphin qui deviendra Charles VII à ultimement être sacré roi de France, à se rendre à Reims. Elle y arrivera, puis nous aussi, on va y arriver. Mais l'étape d'Orléans va être importante. Elle gagne la confiance du roi du futur roi quand elle le rencontre. Et là, vraiment, ce qu'elle va faire à Orléans va le convaincre de lui donner encore plus et entièrement toute sa confiance. Qu'est-ce qui se passe à Orléans, Michel Hébert? Bien, à Orléans, elle oriente les actions militaires, au fond. La ville est assiégée à ce moment-là. La ville Orléans est une ville qui prend le parti du dauphin et qui est assiégée par les Anglais, puisque les Anglais sont encore en pleine progression pour la conquête, pour dépasser la Loire. Orléans est sur la Loire, donc pour passer au sud de la Loire et réussir à conquérir l'ensemble de la France, à faire le pont, en quelque sorte, avec d'autres possessions anglaises qui sont dans le sud-ouest de la France, qui étaient là depuis toujours. Bon, à travers tous les détails militaires, l'important, c'est que la victoire, elle emporte la victoire, elle réussit à faire libérer la ville d'Orléans, et à partir de ce moment-là, c'est un retournement de situation qui est absolument fondamental, puisque très peu de temps après, le dauphin l'accompagne, en fait, elle accompagne le dauphin, toujours en armes, toujours en habit d'homme, jusqu'à réussir à obtenir qu'il soit couronné ou qui reçoivent le sacre royal dans la cathédrale de Reims quelques mois plus tard, en 1429. Et alors là, il deviendra le roi. Le dauphin devient le roi Charles VII. Grâce en bonne partie, on peut le penser en tout cas à Jeanne d'Arc. Et pourtant, une fois devenu roi, après avoir été sacré à Reims, à la cathédrale de Reims, Charles VII se détache au fond de Jeanne. Pourquoi? Il la laisse toute seule continuer de combattre sans lui donner les renforts qu'elle réclame. Pourquoi? Son destin ressemble peut-être à celui d'un certain nombre de capitaines d'aventure qui sont tout à fait caractéristiques de la guerre à la fin du Moyen Âge, ceux qu'en Italie à la même époque on appelle les condottieri, qui sont des chefs d'hommes d'armes. Ils se mettent au service d'un parti. Quand ils ont terminé une campagne, quand ils ont été payés, dans le cas de Jeanne d'Arc, il n'y a pas question d'argent, mais la situation peut ressembler. Ils partent pour d'autres campagnes, pour autre chose, des fois au service de notre Seigneur, des fois à leur propre compte. Ouais. Alors Jeanne est partie combattre encore dans des combats qu'elle a obtenu un certain nombre de succès, mais comme elle combattait, ben il est arrivé ce qui pouvait arriver puis ce qui devait arriver dans son histoire. À un moment donné, elle a perdu, elle a été capturée à Compiègne en mai 1430 et capturée par, on dira, les Anglais, mais c'est par des Français qui sont les Français du parti des Anglais, c'est de la France qui était, de cette partie de la France qui était sous domination anglaise à l'époque. Donc, une capture de guerre qui est tout à fait légitime. Et puis, évidemment, comme la figure de Jeanne était très, très forte, très charismatique dans l'entourage du dauphin et du nouveau roi, il était important de l'anéantir en quelque sorte, pas tout de suite physiquement, mais d'anéantir sa réputation, de la briser en quelque sorte, et c'est la raison pour laquelle on a voulu lui faire un procès. On t'a reconnue dévote, sobre, tempérante, coutumière, une fois chaque semaine, des sacrements de confession et de communion. Ça n'est pas assez. Nous devons en savoir plus sur toi. Tu portes l'habit d'homme et les cheveux coupés. Ce n'est pas conforme à ta condition. C'est condamné par l'apôtre. La loi judiciaire, morale et religieuse l'interdit formellement. Je ne sais rien de tout ça. J'ai pris l'habit qui convenait pour ce que je dois faire. Je n'ai pas eu révélation que ce n'était pas bien. De tous les personnages qui t'apparaissent, lequel est venu le premier? Saint-Michel est venu le premier. J'avais 13 ans, ou environ. Il n'était pas seul. Il était entouré de bien des anges du paradis. J'étais jeune enfant. Et j'avais peur de ce que je voyais. Mais ensuite, il m'enseigna et me montra tant de choses que je crus fermement que c'était lui. Que t'enseignait-il? Il me racontait la pitié du royaume de France. Il me disait de quitter mon pays et de venir en France. Et que je me porterais au secours du dauphin de France. Extrait du film Jeanne Lapucelle, réalisé par Jacques Rivette en 1993. C'est Sandrine Bonner qui incarne Jeanne dans ce film. Ce procès-là, elle sera d'abord très courageuse. Elle montrera beaucoup de vivacité d'esprit. Ce procès nous montre qui est Jeanne, en partie Michel Hébert. Qu'est-ce qui fait que finalement, comment ça va se dérouler le procès, mais qu'est-ce qui fait qu'on va la condamner? On l'a envoyé au bûcher, éventuellement. Oui, il y a plusieurs chefs d'accusation qui pèsent contre elle. On a entendu dans l'extrait, un des principaux, c'était cette question d'avoir revêtu l'habit d'homme. Il y a un certain nombre d'accusations qui tournent autour de rumeurs de sorcellerie, de pacte avec le diable, de transgression des enseignements de l'Église quant à la bonne pratique de la religion chrétienne. De toutes ces choses-là, elle s'est défendue, mais ça n'a pas été immédiatement retenu contre elle. La question de l'habit masculin a été très, très forte, non pas tellement parce qu'elle a pris l'habit masculin, mais parce qu'elle n'y a pas renoncé. Oui. Et tout le temps de sa captivité jusqu'au procès, elle voulait absolument garder l'habit d'homme, ce qui était une transgression fondamentale. Ce qui a donné, au fond, un prétexte pour... C'était interdit à l'époque. C'était naturellement interdit. C'était tellement interdit que c'était même pas la peine de l'interdire. C'était un tabou oui. entier dans la société, tout simplement. Transgression... une sorte d'indicible, en quelque sorte. Oui. Et la vraie raison, la raison du bûcher, parce que de tout cela, elle aurait pu se repentir, se confesser, obtenir le pardon de l'Église, faire un peu de prison, voire être libérée. Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que elle est retombée, après avoir avoué que c'était probablement des fautes, elle est revenue à l'habit d'homme, elle est revenue à un certain nombre d'idées qu'elle avait par rapport à ses visions, elle a dit qu'elle continuait à avoir des visions, et là, l'Église a voulu qu'on la condamne, la pire des condamnations pour hérésie, ce qu'on appelle relapse, c'est-à-dire retomber dans l'hérésie après avoir abjuré. Et la raison fondamentale du bûcher, c'est d'avoir été relapse, d'être retombée dans l'erreur. Elle sera donc, Jeanne d'Arc, brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. À nouveau, celui qu'on entendait au tout début de l'émission, l'historien Henri Guillemin, extrait de l'émission « L'énigme Jeanne d'Arc » diffusée à la radio suisse en 1971. Alors ça y est, on la met sur la charrette. Elle est en habit de femme et on lui a mis une chemise soufrée, vous savez, pour que le feu prenne d'un seul coup. Le bûcher est très élevé. C'est un tas de plâtre, parce que les gens veulent en avoir pour leur argent, et si c'était un bûcher trop petit, les gens qui sont derrière ne verraient pas, alors il y a 2-3 mètres de haut, puis des fagots qui sont entassés là. Et on lui dit, il faut faire tes prières, Jeanne. Alors elle est là, au pied du bûcher, qui fait des tas de prières, qui demande pardon à tout le monde. Elle demande pardon, oui, elle demande pardon aux Bourguignons, elle demande pardon aux Anglais. Elle ne renie pas ce qu'elle a fait, mais elle dit, j'ai certainement commis des fautes dans ma vie, j'ai fait tuer des hommes. Vous tous qui êtes là, pensez à moi, priez pour moi. Elle pleure tellement, elle continue tellement à se lamenter, la pauvre gosse, ça fait qu'elle est à 2 minutes de la mort, que le capitaine des Anglais dit, est-ce qu'on va me faire déjeuner là? Alors il faut la faire monter. Elle monte, elle dit, donnez-moi une petite croix. Alors le capitaine anglais casse 2 morceaux de bois, des fagots, avec une petite ficelle, il fait une croix avec ses 2 morceaux de bois, et elle glisse ça contre sa peau. Alors quand Jeanne voit la flamme qui arrive, elle hurle, elle crie « Jésus !» comme on appelle « au secours ». Et Claudel dit « c'était comme une flamme au-dessus de la flamme ». Et elle brûle. Quel impact a cette exécution, Michel Hébert? Qu'est-ce que ça représente à l'époque, cette exécution de Jeanne d'Arc? À très court terme, on a l'impression que la France est défaite pour toujours. Dans les faits, c'est pas tout à fait vrai, puisque 20 ans plus tard, Charles VII, couronné, aura repris l'essentiel du contrôle de son royaume. La guerre de 100 ans sera terminée. Et puis, la mère de Jeanne d'Arc, qui lui survit pendant très longtemps, et un de ses frères vont demander que soit ouvert le procès pour annulation. Non pas réhabilitation, on ne reprend pas tout le procès, mais pour une annulation qui est obtenue en 1456 suite à un très long procès qui est beaucoup plus intéressant que le premier parce qu'il fait appel à des dizaines et des dizaines de témoins qui témoignent de qui elle était vraiment et plus du tout dans un contexte politique. Puis après, elle tombe dans une... On dira pas dans l'oubli, mais elle n'est pas tout de suite consacrée comme une espèce d'héroïne nationale française. Dans certains cas, on rit même d'elle à l'époque des Lumières. On sait Voltaire dans un pamphlet satirique qui s'appelle La Pucelle, la traitait d'à peu près tout, de petite rien du tout, lubrique, etc. Mais les choses changent. C'est vraiment dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec le renouveau catholique en France, que les choses vont commencer à changer, puis qu'on va développer au 19e et au 20e siècle un véritable culte de Jeanne d'Arc qui sera identitaire, qui sera politique, qui sera providentialiste pour la civilisation française et dont on trouve des échos importants au Canada. Oui. On reviendra au Canada dans un instant, mais sur le 20e siècle, je vous fais entendre un dernier extrait. Vous allez voir, ça va peut-être vous étonner. On utilise donc, on prie Jeanne d'Arc, littéralement, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez ça. Le Canada en guerre vous parle. Prière à Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, de toute notre âme, nous nous tournons vers vous. Vous avez été prisonnière, soutenez les Français prisonniers. Vous avez subi les interrogatoires les plus tortueux, inspirez ceux qui les affrontent aujourd'hui. Sur le bûcher de Rouen, vous avez rendu votre belle âme à Dieu. Soyez, pour les otages de France, le réconfort à l'heure suprême. Sainte Jeanne d'Arc, il y a grande misère au doux pays de France, sauvez-le. Ici la voix du Canada. Le Canada en guerre vous parle. Vous avez entendu le révérend père Pierre Goube. Ça, c'est assez fascinant, Michel Hébert. Comment comprendre ce qu'on vient d'entendre, cette prière à Jeanne d'Arc, diffusée à la radio canadienne? Je pense que les Français l'entendaient, cet abbé français, mais on invoque Jeanne d'Arc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Oui, d'abord, on prie Jeanne d'Arc parce que nous n'oublions pas que Jeanne d'Arc a été canonisée. C'était une sainte avec une lettre minuscule, en quelque sorte, mais elle devient une sainte officielle de l'Église en 1920. Elle est canonisée. Ça fait partie de la grande réconciliation de la droite française avec l'Église. Mais Jeanne d'Arc a été aussi très fortement utilisée dès la Première Guerre mondiale, en France aussi, dans la lutte contre l'allemand. Ouais. C'était plus l'anglais, on disait pendant la Première Guerre mondiale, notre anglais aujourd'hui, c'est l'allemand. Mm. Notre anglais, c'est le Bosch. Ouais. Puis au Canada, on l'a récupéré parce que de la même façon, dans ce providentialisme de ce destin de la race française, hein, pensez aux écrits du chanoine Gros à l'époque, c'était absolument fondamental. Puis Jeanne d'Arc apparaît partout autour de 1900-1910 au Canada. Ah bon. Et apparaît à l'endroit le plus surprenant peut-être, en Ontario, après l'adoption du fameux règlement 17 en 1912 qui interdisait la langue française dans les écoles, bien, apparaît une première prière à Jeanne d'Arc, avant même qu'elle soit canonisée, pour le destin de la race et de la langue française et de la religion catholique dans toutes les écoles du Canada. On priait dans toutes les écoles du Canada pour les petits-enfants de l'Ontario, et c'était une prière à Jeanne d'Arc. Et ça donnera plein de rues Jeanne d'Arc, d'écoles Jeanne d'Arc, etc. Il y en a autour de Radio-Canada, il y en a plein. Il y a une paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, il y a une rue Jeanne d'Arc, il y a des statues de Jeanne d'Arc. Il y a le prénom de Jeanne d'Arc. J'ai une petite statistique pour vous. Le prénom Jeanne d'Arc, en 1920, 3% de tous les prénoms féminins au Canada, c'est probablement le prénom qui a été le plus donné en l'année 1920 au Canada. Alors qu'en France, ce prénom n'a jamais existé. On parle de Jeanne d'Arc Charlebois en France. On dit, mais qui c'est celle-là? Ça n'existe pas comme prénom. Les paroisses Jeanne d'Arc, 10 paroisses entre 1920 et 1923 sont fondées au Canada français. En une période très, très courte. Michel Hébert, professeur et émérite à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup de votre collaboration, Michel Hébert. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.